Amis Bélier, ascendant Bélier, bienvenue dans votre tirage du mois de juillet concernant donc vos amours. Et j'ai demandé donc à l'oracle de Béline quel était son conseil, s'il y en a un, et quelles sont en tout cas les tendances pour vous. Alors Bélier, donc comme vous le voyez au départ, on a l'impression que peut-être que dès tout début juillet, vous allez avoir où vous avez été dernièrement dans une situation où vous avez pu être obligé de quémander, de ramer un peu. C'est une situation d'insatisfaction où justement rien ne se fait facilement. Et vous allez vers quoi? Eh bien, vous allez vers quoi? Vous allez vers le bonheur en juillet. Donc ça déjà, c'est bien parti. Comment y arriver? Comment y parvenir vers ce bonheur? Cette entente, cette satisfaction entière. Eh bien, on a ici au-dessus le trafic qui indique que il est bon de recontacter quelqu'un, qu'il est bon peut-être de discuter, d'échanger. Par rapport, alors le chat, ça peut être une trahison, quelque chose qui vous a vraiment blessé. Ça peut être aussi le message, il est peut-être de recontacter quelqu'un qui vous fait un peu peur. Donc soit quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a mis en colère. Soit quelqu'un qui vous fait un peu peur dans le sens où vous êtes peut-être un peu impressionné par cette personne. Voilà, en tout cas, le conseil est d'établir ou de rétablir ce lien, cette connexion avec cette personne, de discuter, d'échanger, d'écrire si nécessaire. Et cela va entraîner quoi? Eh bien, une grande évolution de la situation qui vous mène donc, comme on l'a vu, vers le bonheur en juillet. Donc, cela peut s'appliquer que vous soyez en couple, donc rediscutez, hein, allez-y, hein, forcez un peu le barrage avec votre partenaire. Ben, si tout allait bien, ça peut être aussi avec peut-être par rapport à des questions essentielles que vous aviez abordées, sur lesquelles vous n'étiez peut-être pas d'accord. Donc c'est le moment de les réaborder parce que de toute façon, la chose va se régler assez rapidement. Et puis ben, pour les célibataires, vous l'avez compris, il y a peut-être quelqu'un ici à recontacter. Il y a une discussion à réouvrir pour peut-être obtenir enfin la satisfaction. En tout cas, je vous souhaite un beau mois de juillet. Ami Taureau, ascendant Taureau, bonjour, bienvenue dans votre tirage de l'oracle de Béline concernant le mois de juillet pour vos amours, donc en 2024, juillet 2024. On a d'abord le retard et ensuite le cloître. Donc au niveau du retard et du cloître, cela indique que vous avez besoin en début juillet d'un moment de réflexion, de recul. Et donc voilà, au départ vous n'êtes pas tout feu tout flamme, vous êtes plutôt en retrait, et cela, eh bien, vous fait du bien. Et si vous êtes célibataire, eh bien ne vous inquiétez pas et profitez plutôt de ce moment, de ces moments de solitude pour vous ressourcer et pour peut-être faire le point sur vos envies, vos désirs profonds, prendre soin de vous. Ensuite, eh bien voilà, regardez comment ça évolue. Vous retrouvez plus de sorties, de discussions. Peut-être si vous partez en vacances, si vous partez dans des endroits plus paisibles, grâce peut-être à l'été qui arrive. Mais ça indique de toute façon que où que vous soyez, on voit que vers la mi-juillet, vous êtes entouré de personnes bienveillantes et vous vous relaxez. Et on dirait que cela va vraiment vous être très très favorable, que vous soyez en couple ou non, parce que il va y avoir, du coup, vous allez avoir vraiment l'impression de tenir votre destin en main et d'aller vers l'épanouissement et la réussite, la réalisation, réussite de vos souhaits. C'est vraiment une période où votre esprit, votre cœur vont s'ouvrir, et les réflexions que vous allez avoir, puis l'entourage et la bienveillance qu'il y aura autour de vous vont vous réconforter dans l'amour que vous avez de la vie, et pourquoi pas l'amour de l'amour. Voilà, c'est un tirage un peu général. Mais je vous le livre tel qu'il est sorti. En tout cas, je vous souhaite un beau mois de juillet. Bonjour amis, amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, bienvenue dans votre tirage de l'oracle de Béline concernant vos amours au mois de juillet 2024. Alors, que voit-on ici? Eh bien, donc, on a d'abord peut-être pas mal de préoccupations début juillet, de préoccupations familiales, des préoccupations personnelles, des préoccupations peut-être aussi au niveau de votre habitat, si vous habitez seul. Cela, bon, ben, vous ennuie et indique que vous n'êtes pas forcément des plus ouvertes à l'amour en début juillet. Ensuite, par contre, qu'est-ce qui se passe? On voit que vous, ce qui rayonne sur le jeu, c'est quand même le plein épanouissement, c'est quand même ici la carte du bien-être, mais de la séduction. Ce qui est étrange, c'est qu'on a ici les inquiétudes, les fantômes intérieurs, peut-être de la jalousie, en tout cas une insécurité. Et ici, on a vraiment la très bonne réputation et la preuve de fidélité. Donc moi, j'ai l'impression, alors, que par rapport à certains couples, si vous êtes en couple, il y a des petits soucis peut-être au sein de la famille au départ, et ensuite, eh bien, heureusement, vous allez être rassuré par rapport à peut-être une certaine jalousie, des craintes sur votre partenaire. Vous allez être pleinement rassuré de sa fidélité et de sa loyauté envers vous. Voilà, donc ça c'est vraiment super pour le mois de juillet. Si vous êtes seul, tout simplement, bon, on oublie début juillet, vous avez trop de choses à faire pour penser à Eros ou Cupidon. Et par contre, après, ben, comme vous le voyez, on dirait que peut-être que vous allez enfin rencontrer une personne qui vous corresponde vraiment, avec qui au départ il y aura un lien plus amical, la rencontre elle est à développer, elle est à creuser, parce qu'il faut laisser tomber justement un certain type de personne qui ou une personne qui est dans votre entourage actuellement et qui est plutôt une ennemie ou un ennemi de vous-même. Voilà, ça n'oubliez pas. Donc sachez reconnaître les bons amis et donc aussi les bons amants, les bonnes amantes, les bons amoureux, on va dire. En tout cas, je vous souhaite un bon mois de juillet. Bonjour amis Cancer et ascendant Cancer, bienvenue dans votre tirage de l'oracle de Béline concernant vos amours au mois de juillet 2024. Alors, au départ, comme vous pouvez le voir, vous avez l'élévation, la pyramide à haute élévation et la grâce. Ces deux cartes indiquent que vous serez début juillet dans une quête spirituelle. Peut-être que vous serez justement plutôt dans l'amour universel, l'envie de donner aux autres, d'aimer les autres, d'échanger, de faire du bien. Peut-être que vous recevrez également de bonnes choses par votre entourage. Il y aura aussi une envie, un besoin d'approfondir vos connaissances spirituelles. Donc lisez, n'hésitez pas à ouvrir votre cœur et votre esprit. Alors, par la suite, eh bien, on voit encore ici une carte plutôt de paix. Vous avez besoin, vous allez certainement peut-être vous isoler grâce aux vacances ou à un long week-end. Vous voyez ici, on a deux cartes qui parlent de, je vous imagine bien, au vert, en train de réfléchir, de faire le point sur vous-même, de prendre de la hauteur. C'est vraiment un jeu. Ici un tirage, oui, on dirait que vraiment toute la première partie de juillet vous prenez beaucoup de hauteur par rapport aux petites discussions, aux petites disputes, aux mesquineries possibles relationnelles et amoureuses, et cela vous fait beaucoup de bien, parce qu'en fait ce changement intérieur, ce nouveau regard et cette transformation, ce besoin d'évolution de votre personne, eh bien, il transforme évidemment quoi? Vos relations, et il vous amène à quoi au mois de juillet? Au plaisir, à l'épicurisme. Donc là, on profite pleinement de sa vie amoureuse. On est dans les câlins, dans les échanges, dans le partage de plaisir de la vie quotidienne aussi. Voilà, donc c'est tout bénéf pour vous. Donc n'hésitez pas à approfondir cette réflexion, suivez ce mouvement de début du mois, de meilleure connaissance de vous-même, d'élévation spirituelle, pour que ça alimente vos amours. Voilà, je pense que ce tirage s'applique aussi bien pour les couples que pour les célibataires. En tout cas, je vous souhaite un bon mois de juillet. Bonjour amis Lion et ascendant Lion, bienvenue dans votre tirage de l'oracle de Béline concernant vos amours au mois de juillet 2024. Alors, comme vous pouvez le constater au départ, eh bien, entre le hasard et l'inconstance, moi j'ai l'impression que vous allez lâcher prise. Et c'est peut-être le conseil justement qui vient directement. Début juillet, première partie de juillet, laissez faire les choses, laissez la Providence agir. Laissez-vous guider par, vous y mettez le terme que vous voulez, providence ou hasard. En tout cas, lâchez prise, voilà, tout simplement. Et cela va vous être favorable. Ne vous posez pas trop de questions, puisque par la suite, vous allez, comme vous pouvez le constater ici, être vraiment mis en valeur dans vos amours, lors d'un déplacement ou d'un petit voyage, ou en tout cas cet été, tout simplement. Deuxième partie de juillet, vous allez vraiment être mise en valeur par une rencontre importante si vous êtes célibataire avec une personne qui vous impressionnera un peu et qui sera très protecteur, très protectrice. Et sinon, ben, si vous êtes en couple, c'est votre moitié qui va se montrer des plus proches avec vous et des plus qui vous mettra à la fois un peu sur un piédestal et qui vous rendra confiance, renforcera votre confiance en vous par l'amour que cette personne vous portera et vous témoignera. Voilà, donc profitez bien de ce mois de juillet. En tout cas, je vous le souhaite vraiment superbe. Bonjour amis vierges et ascendants vierges, bienvenue dans votre tirage de l'oracle de Béline concernant vos amours au mois de juillet 2024. Alors voilà le petit tirage que j'ai tiré pour vous. Donc, eh bien, on dirait que vous allez être vraiment, dès le départ, vraiment emballé par ce début d'été. Il y aura vraiment beaucoup d'initiatives de votre part. Et en même temps, eh bien, vous allez récolter rapidement puisque vous aurez une excellente nouvelle. Alors, ça, tout le monde rêve d'avoir ces deux cartes-là. Ça, c'est la carte de la nouvelle et ça, c'est la carte vraiment du grand bonheur. Donc, eh bien, entre vos initiatives et le grand bonheur, qu'est-ce qui se passe? On voit que vous êtes à un moment assez important de votre existence et cela va entraîner ces initiatives et cette bonne nouvelle vont entraîner quoi? Un changement, un virage dans votre vie amoureuse. Donc, et dans quel sens? Eh bien, si vous êtes en couple, comme vous le voyez, eh bien, vous allez retrouver le feu, la passion. Alors ici, on est dans du Mars-Vénus, donc c'est vraiment c'est assez incandescent. On est dans une sensualité épanouie, on s'embrasse, on s'enlace et on profite vraiment pleinement du plaisir et de l'amour que l'on partage. Et si vous êtes célibataire, eh bien continuez, prenez des initiatives début juillet, puisque comme vous le voyez, vous allez récolter très rapidement, avoir une excellente nouvelle avec une personne avec qui vous allez vivre une grande passion amoureuse, donc en juillet. Donc en tout cas, ben, il n'y a rien à dire si ce n'est passé un bon mois de juillet, profitez bien. Bonjour amis Balance, ascendant Balance, bienvenue dans votre tirage concernant l'oracle de Béline, donc concernant vos amours au mois de juillet 2024. Alors que nous dit l'oracle et quel est son petit conseil si nécessaire pour vous, ou en tout cas quel est son message? Alors on voit que début juillet, comme vous pouvez le constater, entre la paix ici et la stérilité, j'ai l'impression que vous allez vraiment avoir besoin de tranquillité, vous allez avoir besoin de vous retirer un petit peu, de moments de solitude, pour mieux vous ressourcer. Et ensuite, eh bien, vraiment vers la mi-juillet, apparemment, vous voyez, vous allez avoir beaucoup de, à nouveau, vous allez à nouveau entrer dans un cycle d'échange. Vous allez avoir beaucoup de des nouvelles, des appels téléphoniques et même des visites. Et vous-même allez peut-être vous déplacer. En tout cas, il y a beaucoup d'échanges, de retrouvailles amicales, de retrouvailles familiales qui vont vous épanouir pleinement et qui en même temps, au niveau de votre couple, si vous êtes en couple, eh bien, qui vont vous permettre de vous rapprocher, de retrouver une unité et une intimité épanouissante à travers justement ces bons moments que vous allez passer avec des amis communs ou avec la famille. Et donc, si vous êtes célibataire, eh bien, il y a une rencontre possible après un moment d'attente. Donc, attendez les 15 premiers jours de juillet et ensuite, il y a une possible rencontre qui peut se faire pour vous. Une rencontre très agréable, très épanouissante. Je ne sais pas si... alors, c'est quelqu'un d'assez sincère pour vous. Moi, je suis pas sûre que ce soit forcément pour une. Je sens pas l'histoire forcément perdurer, mais ça va vous apporter beaucoup de bien-être et de bonheur cet été. Donc, ne refusez pas cette affection que l'on vous porte et qu'on vous témoignera. Voilà. En tout cas, je vous souhaite un beau mois de juillet. Bonjour amis Scorpion, ascendant Scorpion, bienvenue dans votre tirage de l'oracle de Béline concernant vos amours au mois de juillet 2024. Alors, quel est ce tirage? Eh bien, il est plutôt sympathique, regardez. Donc, on a au départ, apparemment, le hasard fait bien les choses. Le hasard, c'est aussi la providence, donc les guides spirituels à suivre. Donc, suivez votre intuition, allez là où votre intuition vous guide. Vous allez découvrir quoi? Eh bien, vous allez rechercher. Alors, on va faire un petit tirage. Là, je vais vous parler du couple. Donc, si vous êtes en couple, eh bien, vous allez découvrir... au cours du mois de juillet, après un moment peut-être d'attente, un petit moment, peut-être que ces derniers temps, vous avez été très préoccupés l'un et l'autre de chaque côté, et donc vous n'avez pas pu vraiment vous retrouver, et au mois de juillet, qu'est-ce qui va se passer, en tout cas après le 15, eh bien grâce à peut-être au congé qui arrive ou à un week-end prolongé ou des occasions de vous mettre au vert, eh bien l'amour, vous voyez, il y a un côté plus paisible qui revient dans votre couple avec l'amour, tout simplement, la carte de l'amour qui est sortie, Vénus, donc qui rayonne dans au centre de votre jeu et en conclusion. Donc, profitez pleinement de votre couple qui sera certainement, qui aura plus de possibilités de retrouvailles et de rapprochement en juillet. Maintenant, si vous êtes célibataire, eh bien, on voit que peut-être que dans... Là, par contre, vous cherchez un peu, hein, vous cherchez un petit peu l'amour. Là, vous avez peut-être envie, comme ça, quand le soleil arrive et tout ça, on a encore plus envie de sortir avec quelqu'un. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dans vos recherches, la chance donc vous accompagne dans vos recherches, eh bien, il y a un peu de retard encore. Alors ça, c'est agaçant quand on est seul, parce que quand on parle de retard, on se dit encore et encore. Mais ici, ça vaut le coup, parce que regardez, au cœur de l'été, l'amour arrive et l'amour vous est promis. Donc, n'hésitez pas à vous déplacer, à aller peut-être dans des endroits plus calmes, à aller peut-être, si vous ne pouvez pas, dans un parc de votre ville. On dirait que tout ce qui est lié à la nature ou à des petites vacances vous sont favorables pour les rencontres. Donc, profitez en tout cas pleinement de ce mois de juillet. Bonjour amis Sagittaire, bienvenue, ascendant Sagittaire également, bienvenue dans ce tirage de l'oracle de Béline concernant vos amours au mois de juillet 2024. Alors voilà le tirage. Moi j'ai l'impression, donc quand je regarde ce tirage que je viens de sortir pour vous, eh bien on dirait qu'il y a un voyage qui risque d'être annulé. Donc comme on est dans une période de vacances, on peut vraiment penser à ça. On a un départ annulé avec l'infortune, la malchance. Et du coup, eh bien, ça peut, on peut imaginer que ça peut entraîner des petites tensions dans votre couple. Et le conseil, et en tout cas le résultat, il n'est pas négatif, heureusement. Cela indique que vous allez vraiment avoir besoin d'être fort l'un envers l'autre, de compter l'un sur l'autre pour passer au-delà de cette déception. Et ensuite, vous voyez, si vous n'envenimez pas la situation, eh bien, vous allez pouvoir partir par la suite ou en tout cas découvrir d'autres possibilités d'échanger du plaisir et pourquoi pas, si c'est pas un petit voyage, des sorties et trouver de la joie de des amusements autrement et rester dans l'échange amoureux, sensuel, etc. Donc, encore une fois, le conseil, s'il y a une déception concernant un voyage, eh bien, restez solide et continuez à avoir confiance en l'autre. Soyez forts l'un pour l'autre, en fait. C'est ça le message. Et donc, si vous êtes célibataire, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, apparemment, c'est pareil, on dirait que vous n'allez pas au départ, peut-être qu'il y a une invitation qui tombe à l'eau, une déception, peut-être qu'il y a un petit voyage aussi que vous ne pouviez pas faire, que vous ne pouvez pas faire, qui sera annulé. Voilà, donc il y a quelqu'un aussi, dans ce cas-là, si vous êtes célibataire, ça peut être aussi une personne qui doit venir vous voir et qui ne vient pas au dernier moment. Donc le résultat, c'est quoi? Eh bien, comptez sur vous-même, soyez solide sur vos deux jambes, ne vous écroulez pas. Parce que de toute façon, ce n'est que postposé. Et si ce n'est pas avec cette personne-là, eh bien, vous allez pouvoir, de toute façon, faire une rencontre très sympathique, avoir une aventure, en tout cas, voire plus, hein, selon le reste de votre thème et de votre personnalité. Ça, on ne peut pas le voir comme ça quand je m'adresse à tous les Sagittaires. Mais en tout cas, il y a du plaisir et de l'amour à la clé. Je ne suis pas sûre que ce soit la même personne qui revienne vers vous, mais en tout cas, ne vous énervez pas, n'envenimez pas la situation, restez digne et sachez que en cas de déception et d'annulation d'une retrouvaille, eh bien, de toute façon, derrière, il y a un moment de joie, de bonheur partagé qui s'annonce. Retenez ça, retenez ces grandes lignes, et comme ça, vous pourrez réagir au mieux et ne pas envenimer les choses, au contraire, réagir de manière positive. En tout cas, je vous souhaite un beau mois de juillet. Ami Capricorne, ascendant Capricorne, bonjour et bienvenue dans votre tirage de Béline concernant vos amours au mois de juillet 2024. Alors, comme vous pouvez le constater, voilà votre tirage. On a au départ, bon, beaucoup d'envie, beaucoup de désir de votre part de croquer la vie à pleines dents et l'amour à pleines dents. Et peut-être même de voyager, de bouger un peu en tout cas, de donner aussi un nouvel élan à vos amours. Mais c'est vrai qu'au départ, regardez, il y a des difficultés. Alors, je vais faire d'abord, si vous êtes en couple, eh bien, par rapport à ces envies, il y a quand même au départ des difficultés. Il n'y a pas de satisfaction, il y a des complications. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord sur certains projets de vacances ou autres. Il y a apparemment des tensions début juillet. Mais heureusement, le message indique ici de ne pas s'inquiéter parce qu'il va y avoir, par rapport à cela, vous allez avoir. Arrêtez de vous poser des questions aussi hein, par rapport à la fiabilité de l'autre, peut-être à certaines jalousies, puisque voilà, vous allez avoir une belle réconciliation, un beau rapprochement de vos âmes, et ensuite fin juillet, eh bien beaucoup de des nouvelles, je dirais en renouveau de passion, un nouveau voilà, un nouveau cycle plus où votre amour, vos échanges amoureux sont plus fluides et passionnés en même temps. Et si vous êtes célibataire, eh bien, voilà, vous partez vraiment avec de bonnes intentions au départ de juillet et vous avez vraiment envie de changer la donne de vos amours. Vous êtes plein et plein de désirs et par contre, vous galérez. Il y a peut-être quelqu'un qu'il faut éviter, avec qui éviter de perdre votre temps avec une personne qui ne vous correspond pas, avec une personne qui peut vous faire du mal. Donc, arrêtez de quémander. Si quelqu'un veut avoir une histoire d'amour avec vous, veut la continuer, eh bien, les choses devraient être plus simples. Si ça ne l'est pas, laissez tomber. Laissez tomber, prenez de vraies décisions et écoutez votre âme qui vous dit de laisser tomber les mauvaises personnes. D'accord? Et grâce à cela, qu'est-ce qu'il va y avoir derrière? Une nouvelle rencontre vraiment qui vous correspond et qui va démarrer au quart de tour avec voilà, le feu de la passion. Donc n'hésitez pas, arrêtez vraiment de perdre du temps avec ceux ou celles qui ne vous correspondent pas ou qui vous en font trop voir ou qui vous font trop patienter. Voilà le programme pour juillet 2024. En tout cas, je vous souhaite un bon mois de juillet. Bonjour amis Verseau, ascendant Verseau, bienvenue dans votre tirage de l'oracle de Béline concernant vos amours au mois de juillet 2024. Alors voilà ce tirage, je le découvre quasi en même temps que vous, j'ai posé les cartes là devant la caméra pour que vous voyez bien. Et donc au départ, regardez, il est assez limpide ce tirage, on a une grande évolution, un soleil, donc un éclaircissement, très heureux. Bon, vraiment, la carte bleue, elle amène beaucoup de bonheur, de bien-être, d'apaisement et elle apaise les cartes négatives. Et par rapport à quoi? Évolution très heureuse par rapport à une situation triste, un manque. Peut-être qu'en couple, ces derniers temps, eh bien, vous vous êtes un peu... le couple s'est un peu distendu, vous vous êtes un peu éloigné l'un de l'autre. Peut-être que vous avez été fâché. Peut-être que ici, il y a une certaine solitude à deux. Il y a un courant froid, il y a eu un courant froid entre vous, une vexation, quelque chose qui a fait que vous vous êtes un peu fait la tête, ou simplement vous avez été trop occupé l'un et l'autre par vos obligations respectives, et cela vous a un petit peu isolé l'un de l'autre. Qu'est-ce qui se passe du coup? Quelle que soit votre situation de couple, et bien comme vous le voyez, la clé de la destinée qui apporte une grande solution, et du coup j'ai dû en retirer une, et qu'est-ce que j'ai tiré? Et bien l'union. Et bien donc on voit que votre couple va retrouver donc grande évolution positive par rapport à un malaise de couple, et là les retrouvailles vraiment solides de votre mariage, de votre union, de votre relation qui va être pleinement épanouissante donc au cours du mois de juillet. Maintenant, si vous êtes célibataire, eh bien vous l'avez compris certainement à l'avance par rapport à donc grande évolution positive par rapport à une solitude qui va vous peser vraiment ou qui vous pèse beaucoup ces derniers temps ou qui vous pèse encore début juillet. Voilà, gros déblocage de situation et rencontre avec quelqu'un, ici c'est important, ça peut être la personne de votre vie. Donc, bien, je ne peux que vous souhaiter un beau mois de juillet. À bientôt. Bonjour amis poissons, ascendant poissons, bienvenue dans votre tirage du mois de juillet pour vos amours du mois de juillet 2024, tirage de l'oracle de Béline. Donc, quel est son message? Eh bien, comme vous pouvez le voir, au mois de juillet pour vos amours, on dirait que au départ, c'est un mois vraiment où vous êtes assez en confiance. Alors, je vais essayer de scinder les choses. Donc, déjà, si vous êtes en couple et que tout va bien, on voit que vous allez être... Vous partez sur de très bonnes bases, vous allez être en confiance l'un avec l'autre, vous allez être heureux, heureuse d'entamer ce mois de juillet. Il y a beaucoup de solidité dans votre couple et vous allez certainement ici, peut-être, voilà, à cause de peut-être que vous allez être un peu plus libre, peut-être que vous allez partir un peu en vacances. En tout cas, il y a une atmosphère, vous allez être un peu chamboulé dans votre désir de conquérir l'autre de nouveau, de séduire l'autre, et vous allez passer à un plan, on va dire, plus sensuel, et vous rapprocher sensuellement. Donc ça va être assez chaud, et c'est tant mieux. Si votre couple n'allait pas bien, eh bien on voit qu'il y a une envie, un besoin de retrouver la paix et de ne pas détruire la solidité de votre couple, de ne pas détruire peut-être des liens forts et de revenir justement à Peut-être que les souvenirs du passé vont vous rapprocher. Et en tout cas, ici, vous allez être chamboulé dans votre fort intérieur. Chamboulé, chamboulé. C'est comme si vous alliez avoir un nouveau coup de foudre pour votre partenaire. Et la réconciliation se fait, puisque ici, vous avez des cartes de plaisir partagé, de passion amoureuse, mais plutôt donc dans le bon sens. Si vous êtes célibataire, eh bien, voilà ce qui se passe. Il y a simplement soudain un coup de foudre, hein, c'est vraiment ça. Bon, vous partez plutôt dans le bon pied au départ. Vous vous sentez bien dans votre peau. Vous êtes certainement assez occupé par d'autres choses que l'amour, hein. Votre vie est assez remplie. Mais malgré tout, eh bien, poum, patatras, il y a un coup de foudre qui peut se produire. Et là, vous allez vraiment être complètement séduit et séduire également une personne avec qui vous pourriez donc développer une passion amoureuse au mois de juillet. Voilà. Donc, profitez-en. J'ai juste un petit bémol pour les couples qui ne vont pas bien, parce que ça m'est venu en tête tout à l'heure. Pour les couples qui ne vont pas bien, si vraiment, quand je vous fais le tirage, vous vous dites oui, que je me réconcilie au point, à ce point, je n'y crois pas, alors ça peut être également, parce que là, c'est compliqué, hein, vous êtes nombreux les poissons, mais moi, j'ai eu un autre tirage en tête, enfin une autre vision de tirage, pour les couples qui n'allaient pas bien, il peut y avoir, attention, une autre rencontre. Et du coup, eh bien, une autre rencontre avec une autre partenaire, et vous pourriez passer à autre chose. Voilà, une rencontre coup de foudre. Souvent, bien, voilà, il y a des rencontres comme ça qui se font dans des moments où on est disponible pour autre chose que le couple que l'on connaît actuellement. Bon, j'espère que s'il le faut réécouter tout ce petit tirage-là que je vous ai fait, qui est un peu long cette fois-ci, mais je suis obligée de vous transmettre toutes les idées qui me viennent et de vous faire entendre les messages. J'espère en tout cas que vous passerez un beau mois de juillet.